nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le beau Serge, la fiancée du pirate, une belle fille comme moi, la maman et la putain, disparue en 2013, Bernadette Lafont aura été l'une des figures féminines qui aura dominé le cinéma français depuis la fin des années 50 et l'avènement de la nouvelle vague. Un peu chinoise par le maquillage, andalouse par la coiffure, gitane blanche, bardeau nègre, garce sublime, pépée de tous les diables, fée du bagou, enquiquineuse de choc. Une nature décuplée, plutôt un phénomène, a écrit d'elle Hervé Guibert. En 1977, quelques mois après la sortie de Norrois de Jacques Rivette, interrogée par Gérard-Julien Salvi durant une vingtaine de minutes, celle qu'on appelait la fiancée du cinéma disait comment elle concevait et pratiquait son métier de comédienne. Démarche avec Bernadette Lafont, une émission diffusée la première fois le 12 février 1977 sur France Culture. Drinking again. Démarche, Gérard-Julien Salvi, Bernadette Lafont. Je voulais être danseuse classique et je suis venue à Paris pour ça. Mais en fait, j'avais très envie de faire du cinéma. En fait, il n'y avait pas d'école pour le cinéma, je pense qu'il n'y en a d'ailleurs toujours pas. Disons, c'est à cause des journaux, des revues. Parce qu'à l'époque, il y avait l'explosion du cinéma italien, comme ça, Riamer. Et je pensais que j'avais un type physique qui était assez près de celui, en fait, de toutes ces Italiennes. Et donc j'avais envie de faire pareil qu'elle. Et puis il y avait aussi Marina Vladi qui avait mon âge et qui avait commencé à tourner, on en parlait beaucoup. Donc je rêvais de faire du cinéma, mais sans oser le dire. Et puis très rapidement, dès mon arrivée à Paris, j'ai rencontré donc la membre des Cahiers du cinéma, Truffaut, Chabrol, Doniol Alcroze, etc. Et qui étaient également des amateurs de cinéma, mais qui eux disaient très haut qu'ils allaient tourner très vite leur premier film. Et j'ai donc été engagée par eux pour tourner. J'étais très très contente. Je pense que c'est à la fois un privilège énorme dans le sens qu'on n'a pas du tout de compétition au départ, si vous voulez. On n'est pas comme ça un tas de gens qui veulent faire le même métier et qui c'est un métier qui joue tellement sur la compétition. Donc c'est un peu comme un conte de fées, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille, justement. Cette absence de lutte, puisqu'on vous demande de jouer à vous, on choisit pas, c'est vous ou personne, quoi. Enfin, et donc c'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Parce que après il faut, en fait, de toute façon, les choses sont là. Il y a des tas de gens qui veulent faire ça, et donc on n'est pas vraiment armé pour, on est moins armé que. Je vois ma fille, par exemple, qui veut faire ce métier. Elle fait la filière normale, c'est-à-dire qu'elle prend des cours. Et donc, très vite, elle a à se mesurer en passant des scènes, etc., avec d'autres. Et je crois que c'est quand même, ça arme quelque part les gens. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle, no sunshine appears. But you and I have our love always there. Confusion and all disillusion behind. Disons que j'ai eu un trou effectivement de carrière à un moment donné parce que enfin ça c'était ma vie personnelle, disons qui a pris le pas sur ma vie professionnelle, mais finalement j'ai continué un petit peu toujours dans ce même sens, c'est-à-dire quand même avec des jeunes réalisateurs. Ça s'est fait comme ça quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant justement à travailler le plus souvent possible sur un premier film? Il y a une très grande fraîcheur, il y a un enthousiasme, c'est-à-dire que les gens, en général, quand ils font leur premier film, c'est parce que vraiment c'est leur moyen d'expression, disons. C'est comme un premier livre, une première peinture, c'est le cinéma, il faut que ce soit le cinéma. Ils n'ont justement pas encore cet esprit de compétition, de bagarre et finalement de show business, quoi, tout un aspect qu'on est obligé d'avoir si on continue cette carrière-là. Mais qui au départ ne prime pas, si vous voulez. C'est pas une affaire, disons, qui prime. C'est une création comme ça collective. Mais est-ce que justement, vous qui face à ces gens qui font un premier film et qui ont toujours la tentation de tout dire et tout mettre dans le premier film, est-ce que vous intervenez ou est-ce que vous simplement vous êtes une interprète? Une interprète. Je ne me sens absolument pas le. Enfin, la possibilité, la capacité, enfin je veux dire non, ça m'a de juger ou de donner des conseils par exemple, ça certainement pas incapable. Mais imaginez-vous les films que vous lisez, l'état de synopsis? Justement je ne lis pas l'état de synopsis parce que si je reçois un scénario et ça m'arrive souvent comme ça de quelqu'un que je ne connais pas, c'est tellement abstrait que je n'essaye même pas de le lire parce que ça me dit rien. Je préfère rencontrer la personne d'abord qui me raconte son scénario qui me parle de son film. Et là déjà, je veux dire, c'est plus près de ce que ça sera. Et après, je lis. Et en général, ce que j'aime bien, c'est ce que je lis colle avec le récit qu'on m'a fait. Parce que ça veut dire que la personne visualise bien son film, que c'est pas un esprit littéraire, mais un esprit cinéma. C'est pas pareil. Il y a beaucoup trop de scénarios qui sont des romans ou du théâtre. Complètement confiance au metteur en scène. Donc, quand je tourne, quand je ne tourne pas, là, alors je peux avoir des doutes, même sur tout le métier, je veux dire. Mais quand je tourne, c'est le commandant du navire, je veux dire, et j'ai absolument pas de recul par rapport au film, ni par rapport à ce que je fais d'ailleurs. Je plonge. En quoi c'est une profession ? Oui, ça c'est une bonne question. Je pense que ça devient une profession, quand on gagne sa vie avec ça, quand c'est un gagne, comme tout, quoi. Quand c'est un gagne-pain, c'est les racines avec la vie, c'est là où c'est une profession. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop, c'est délicat parce qu'effectivement, moi je pense qu'un comédien doit être, c'est comme, j'aime bien cette comparaison, c'est comme une bande magnétique, c'est-à-dire qui s'imprime sur un film mais qu'il faut effacer aussi pour pouvoir repartir chaque fois sur un tournage neuf, c'est-à-dire sans tic, sans background des autres, le plus possible, parce que En plus, on doit tellement lutter aussi contre tous les gens qui, si vous ont aimé beaucoup, si vous avez fait un très grand succès dans un film, qui disent « Ah, voilà, machine dans truc », et qui ont tendance à vous identifier toujours à ce que vous avez fait. Alors ça, c'est difficile. Enfin, c'est gênant, je veux dire, justement, dans la profession, cette profession d'acteur, de ne pas jouer sur ce truc passé, quoi. Only beaucoup de gens qui sont installés dans les personnages, et dans un sens, je veux dire, c'est pas leur faute, parce que on est à une époque où tout est tellement spécialisé que finalement c'est plus facile de typer quelqu'un. Bon, c'est ça, c'est un produit, il est comme ça. Mais pour moi, c'est la négation du métier de comédien, hein. Est-ce que vous imaginez justement le personnage que vous supposez que les autres Qu'est-ce que vous pensez Moi. Vous représenter pour un jeune cinéaste, justement, puisque souvent ils font appel à vous? Ah, je pense que s'ils font souvent appel à moi, c'est parce que justement ils sentent ma disponibilité, c'est-à-dire le fait que je puisse comme ça rentrer dans un film sans aucune sans maquillage, disons. Et quand vous avez tourné avec Nelly Kaplan, est-ce que ça fait une importance de tourner avec une femme? Est-ce que ça change quelque chose? Le rôle était vraiment étonnant pour la fiancée du pirate. Et je n'ai jamais pensé que Nelly Kaplan était une femme, si vous voulez. Je veux dire, par rapport au travail, pas du tout. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de dire, tiens, je suis en train de tourner avec une femme. Ah bon, tiens, c'est pas comme un homme. Non, mais vous ne souscrivez pas à la mode du travail des femmes? Ben moi, j'ai tourné plusieurs films avec des femmes, d'ailleurs. Pas seulement avec Nelly Kaplan, j'ai tourné avec Nina Companese, avec Nadine Trintignant. J'ai fait aussi un film qui n'est pas encore sorti, avec une jeune Allemande, Micha Gallet. Bon, mais je veux dire, j'aurais pu aussi tourner avec des hommes. J'ai tourné avec des hommes. C'est très bien. Ça, c'est vraiment pas... Non, je pense pas ce problème du tout. C'est effrayant de dire ça, d'oublier plein de films que j'ai fait, quoi. Parce que je vis vraiment les choses. Celui qui compte, c'est celui que je fais. Même pas celui que je vais faire, mais celui que je tourne. Justement pour préserver encore une fois ça, je tiens par-dessus tout, à cette disponibilité totale qui me permet d'ailleurs moi-même de m'amuser beaucoup quand je tourne, c'est-à-dire de pouvoir vraiment. Faire des choses que peut-être les gens ne voient pas, d'ailleurs, c'est possible, mais où des subtilités comme ça de jeu qui sont ma joie à moi, je veux dire, et qui font quand même si que. C'est ça, un acteur, je veux dire, un comédien. Quel type de subtilités qui sont en rapport avec d'autres choses antérieures, des sortes de rappels en clin d'œil pour les. Des choses que j'ai faites moi. Non, plutôt alors ce serait des grands. Des clins d'œil à des je veux dire, des archétypes, si vous voulez, de cinématographiques. Moi, j'ai fait un film là, qui n'est pas encore sorti, par exemple, où je me suis beaucoup, beaucoup amusée, qui est une parodie du Cid, qui s'appelle « Les jolis garçons d'Assassin de papa ». Il y avait vraiment beaucoup à faire, parce qu'il y avait des tirades entières classiques, et puis c'était coupé par une espèce de clin d'œil très... Enfin, il y a une scène, par exemple, qui est très dramatique dans la pièce, c'est quand Rodrigue vient faire ses adieux à Chimène, quand il doit partir. Alors là, j'étais... encadrement de porte. Et là, on a vraiment pensé à Sunset Boulevard, je veux dire, une espèce de pause comme ça, puis crac, reprendre et dire les vers. Vous voyez, des choses comme ça, des jeux, quoi. C'est ça devient de l'acrobatie, finalement. Est-ce que vous arrivez à vous étonner pendant des tournages? Oui. Oui, de quelle façon? Étonner, c'est pas exactement ça, non. C'est avoir des grands moments de jubilation, c'est ça, être très, très, très heureuse. Et alors, effectivement, quelquefois, si je vois la projection, tiens, alors là, j'ai envie de voir. Et effectivement, je peux. C'est pas exactement étonné, non, mais quand ça colle vraiment avec le plaisir qui a été pris, et puis d'autres fois, se dire, tiens, finalement, c'est pas exactement ça, quoi. Démarche avec Bernadette Lafont, une émission diffusée la première fois le 12 février 1977 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.